Pressez vos mauvaises de jour, plumeau à falais, hop de haut, mais sup de long. Vous venez à des neiges, des arrous, le comme le bouquet couille de loup, oreille de hyène et dents de loup. Le but c'est poil de porc, c'est la formule pour jeter le mauvais sort. Pour tous ceux qui souvent t'exaspèrent, tes voisins, ton chef, ta sœur ou même ton père, TMX le sorcier te donne la formule, magique et pas risquée qui fera des émules. Grande jubilation, délectation totale en voyant tes ennemis en position fatale. Après ces quelques mots, efficaces citations, des parties d'animaux sur eux pousseront. Corne de bouquet, couille de loup, oreille de hyène et dents de poule. Ongle de puce et poil de porc, c'est la formule pour jeter le mauvais sort. Corne de bouquet, couille de loup, oreille de hyène et dents de poule. Ongle de puce et poil de porc, c'est la formule pour jeter le mauvais sort. Chef de service. Oui, d'accord. Oui, voilà, je vous appelle parce que je ne viendrai pas travailler aujourd'hui. D'accord. Je ne me sens pas bien. Je note. Voilà, une petite grippe, certainement. Hein. Je vous souhaite un prompt rétablissement. Merci. Ce n'est pas très sympa, mais la vengeance est un plat qui se mange froid. Puis avec un peu de chercher, il y a des limites à ma tolérance. Et puis ça reste pas dans la durée, puis c'est une nouvelle expérience. Moi-même un jour, je me suis amusé à me faire pousser en vacances des cornes de bouc, des couilles de loup, des oreilles de hyène, des dents de poux, des ongles de puce, des poils de porc. C'est la formule pour avoir l'air d'un con. Corne de bouc et couille de loup, oreille de hyène.